Le 23 juin, à l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, ont eu lieu le rassemblement de souvenirs au Pérou et la séance de film au Nigeria. Y ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes. Les orateurs, notamment le président de l'Association péruvienne d'études des activités révolutionnaires de Madame Kim Jong-soo, ont exalté les exploits immortels du président Kim Il-sung, qui a consacré toute sa vie pour le bonheur du peuple et la victoire de la cause d'émancipation du monde. À la séance de film tenue au Nigeria, on a projeté le documentaire coréen Kim Il-sunya, Fleur d'honneur.